Chapitre 12e. 7 juillet. Nous sommes à Paris depuis 4 jours. Maman a loué un appartement meublé rue Saint-Honoré. Madame Le Couturier est rentrée dans son hôtel. Je ne sais plus comment je vis. Je m'agite, je me démène, je cours. Je vais de l'église à la mairie, je ne mange pas, je dors mal, je suis harassé. Et par surcroît, je ne vois plus ma fiancée. Quand j'arrive rue Tronchet, elle est invariablement en conférence avec une couturière, une modiste, une lingère, un fourreur, une corsetière, un bijoutier, une brodeuse, un coiffeur, ou quelque chose d'approchant. J'entre. Elle s'interrompt à peine pour me dire un petit bonjour et me donne une course à l'autre bout de Paris. Nos bons sont publiés. Je reçois des lettres étranges. Un inventeur de ballons dirigeables me demande 20 francs pour continuer ses expériences. Un ancien camarade dont je n'ai nul souvenir m'en demande seulement 10 pour se faire arracher une dent. Je rencontre dans la rue des gens que je connais à peine et qui me donnent des poignées de main terribles, d'un air pénétré. D'autres se penchent à mon oreille et me disent « Eh bien, il paraît qu'il a le sac. » Il m'arrive des prospectus extraordinaires qui me révèlent l'existence de singulières industries gravitant autour du mariage. Le directeur d'une agence appelée le contentieux universel qui se fait gloire de ne travailler que dans l'intérêt des familles, m'offre de procéder discrètement à une petite enquête sur l'état de la fortune de mon beau-père. On me propose une location d'habits noirs avec gilet, pantalon et claque à 5 francs la journée. Des restaurants de la banlieue mettent à ma disposition une salle pour réunions de société, repas de cordes sans couvert, avec bosquet et escarpolette. C'est une obsession. Quand cela finira-t-il, mon Dieu ? Et le contrat ? Il est prêt, notre contrat. C'est l'œuvre de Madame Le Couturier, encore plus que de son notaire. Hélas, pourquoi faut-il que je sois obligé d'ajouter que Claire aussi s'en est mêlée et qu'elle a montré pour cette vilaine cuisine d'épouvantables aptitudes. Nous nous marions sous le régime de la communauté réduite aux aquais. À moi de faire des aquais. Quelle belle chose que cette prime offerte à l'avarice de Marie. Je ne crois pas que Claire apporte en ménage une boîte d'allumettes qui ne soit désignée dans l'acte. Ma belle-mère, qui est une femme pleine de prévoyance, tient fort à ne pas être frustrée d'une épingle dans ses reprises, au cas où sa fille mourrait avant moi, sans enfant. Si tous les apports de Claire sont pompeusement énumérés, avec une légère tendance au grossissement dans les évaluations, les miens, les pauvres miens, sont tout juste indiqués, avec l'estimation la plus basse possible. Je ne suis pas assez sot pour ne pas voir tout cela, et j'en éprouve un certain dégoût. Maman a failli éclater, hier encore. Je l'ai calmée. En lui disant qu'il ne faut pas faire attention à ces choses, que c'est tant pis pour Madame Le Couturier si elle a des instincts d'usurier, et que cela ne m'empêche pas d'aimer sa fille, que nous referons à nous deux l'âme de Claire. « Oui, oui, tu as raison, » a dit ma mère. « Ce n'est pas sa faute si cette vilaine éducation a un peu d'éteint sur elle. » Sois tranquille, je t'aiderai à faire passer cela. Et pour me venger, en grande dame qu'elle est, des procédés mesquins dont on use envers moi, cette chère maman est allée acheter un magnifique bracelet dont Claire avait envie. « Tiens, m'a-t-elle dit en riant, offre cela à ton petit notaire en sus de sa corbeille, et dis-lui de ne pas être inquiète, que je renonce à mes reprises sur ce bracelet, que tu le lui donnes en toute propriété. » 8 juillet. C'est pour le 18, plus que 10 jours de ce supplice. Les abords du mariage, que je me figurais naguère encore si charmants, sont aussi laids en vérité que ceux d'une grande ville. Je ne devrais pourtant pas trop me plaindre, aujourd'hui. J'ai passé 3 heures entières avec Claire, 3 heures sans être dérangé par aucun fournisseur, c'est surprenant. Après déjeuner, monsieur et madame Le Couturier, qui avaient échangé, comme d'habitude, bon nombre de propos aigres doux, nous ont laissés seuls. Nous avons fini de plier les lettres, de faire part et de mettre les dernières adresses. Travail de confiance, paraît-il, dont Claire a bien voulu me charger et auquel j'ai déjà consacré toute la soirée d'hier. Nous avons rangé les lettres par paquet de 50, pas une de plus, pas une de moins, car il faut de la méthode en tout, comme dit volontiers mon beau-père. Il y a 30 de ces paquets, plus une fraction. « Pourquoi ne pas inviter le bottin tout entier ?» me disais-je avec découragement, en songeant à la prodigieuse quantité d'indifférents et d'inconnus que ces dames ont jugé à propos de convoquer. comme font les auteurs dramatiques pour une première. Claire a regardé notre œuvre, non sans satisfaction, et dit d'un air rêveur « J'en oublie, mais nous avons encore du temps. Il me reviendra des noms cette nuit. Maintenant, nous allons coller les timbres. » Je me suis mis à coller avec fureur. Elle collait aussi, de l'autre côté de la table, sans parler, puis refaisait les paquets. La jolie chose que d'être fiancée, au 400. « Claire, me suis-je écrié, je n'en puis plus. Dites-moi d'aller porter un faire-part dans la fosse aux ours du jardin des plantes, si vous voulez. J'irai, mais ne me faites plus coller. » Elle s'est mise à rire. Du bon rire jeune et franc qu'elle a quelquefois, il m'a répondu gentiment. « Allons, soit, vous avez gagné votre vie aujourd'hui, prenez vos honoraires. » Elle a porté sa main à mes lèvres d'un mouvement gracieux. J'ai baisé cette petite main longtemps, longtemps, et aussi ce poignet blanc, délicat, où le réseau des veines transparaît sous la finesse de la peau. Et elle cherchait à se dégager doucement, elle retirait son bras, en disant d'une voix qui riait toujours, mais qui tremblait un peu, « Laissez-moi donc, Raymond. Si vous continuez, je vais vous faire gronder par maman. » Oh, ma belle tendresse des premiers jours, si pure, si chaste, que vous êtes loin. Quelque secret instinct lui a-t-il révélé ce qui se passait en moi? Je ne sais. Pour la première fois, elle n'a pu supporter le regard dont je l'enveloppais. Ses yeux se sont baissés. Elle a détourné la tête et rougi. Nous sommes restés silencieux et gênés l'un près de l'autre. Je ne savais que dire. J'étais confus, comme si j'avais commis une sorte de profanation. Ah, ce n'est pas ainsi que j'avais rêvé de l'aimer. Ce petit malaise n'a duré qu'un instant, d'ailleurs. Je craignais d'avoir offensé Claire. Me trompais-je? Il me semble qu'elle s'est au contraire montrée plus affectueuse, plus tendre que je ne l'avais vue depuis notre départ de la campagne. Elle m'a remercié pour le bracelet, pour les bouquets que je lui envoie chaque matin et qu'elle trouve trop beaux. « Si vous aviez voulu, m'a-t-elle dit, maman vous aurait donné une adresse où cela ne vous aurait pas coûté plus cher qu'au marché aux fleurs. Vous en auriez commandé seulement un gros chez Lyon pour la signature du contrat. Il ne faut pas faire de folie. » J'ai répliqué que mes bouquets étaient pour elle, non pour cette cohue que nous allons avoir après-demain et que c'est justement parce qu'ils sont pour elle que je les veux superbes. Et j'ai dit aussi qu'il n'y en avait d'autres, plus beaux à mon gré, que je faisais chaque jour à son intention et que je lui dédiais sans qu'elle le sût, des bouquets mystiques composés de toutes les fleurs de mon âme. J'étais absurde enfin, mais du moins aujourd'hui, elle s'est dispensée de me le dire et j'ai pu divaguer à mon aise. Elle m'écoutait d'un air sérieux, comme un enfant qui s'applique à comprendre et n'y parvient qu'à moitié. Et ensuite, elle m'a mené dans sa chambre, que je n'avais pas vue encore. J'étais dans mes jours de grande folie. J'ai eu envie de me mettre à genoux en entrant. Sans doute, mon visage a laissé paraître quelque chose du trouble qui s'était soudain emparé de moi, car elle m'a demandé ce que j'avais. « Ne sentez-vous pas, ai-je dit, qu'en cette minute je vous aime immensément ?» D'une voix très douce, elle a répondu « Oui, je le sens. Vous êtes un bon garçon, décidément. » Puis elle a repris, gaiement, « N'est-ce pas que c'est gentil chez moi ?» Il règne dans cette chambre un ordre parfait. Le goût de la symétrie et de l'uniformité s'y révèle un peu trop à mon gré. Toute chose est à sa place. Pas un ruban, pas un chiffon, pas un peloton de laine ne traîne ici ou là. Le parquet est poli à force d'être ciré. Les murs sont nus. L'ensemble m'a paru net et froid. J'ai exprimé ma surprise de ne voir aucun de ces mille petits riens dont aiment à s'entourer les jeunes filles, de ces colifichets minuscules dont elles chargent leurs tables, qu'elles piquent, accrochent, pendent aux fenêtres, aux portes, aux cloisons, partout. À quoi Claire a répondu qu'elle avait horreur du fouillis. Je n'ai pas osé lui dire que le fouillis a quelquefois du bon, quand il est harmonieusement composé, et que lorsqu'on y a mis un peu de soi-même, comme chez maman, il donne au lieu que l'on habite je ne sais quoi de plus intime, une sorte de physionomie éparse, qui n'est point sans charme. Au moment où je faisais à part moi la remarque qu'il n'y avait pas une seule clé sur les meubles, ces meubles luisants qui semblent tout neufs et sur lesquels rien n'est posé, Claire a tiré de sa poche un trousseau et ouvert le secrétaire. « C'est là, m'a-t-elle dit, que je mets mes petites valeurs. Je dois avoir quelques coupons à détacher. Vous irez me les toucher demain matin, j'ai Rothschild avant de venir. » J'ai vu des papiers bleus, roses, jaunes, et à côté un paquet de cahiers, ces cahiers de jeunes filles. Elle m'a offert de les regarder pendant qu'elle détacherait ses coupons. « Vous verrez, » a-t-elle ajouté en riant, « qu'on n'a rien épargné pour vous faire une femme pieuse et instruite. » J'ai pris le paquet. J'ai trouvé de grands tableaux de chronologie synoptique avec le nom du souverain qui régnait en Chine dans le temps où Pharamon était roi de France. Des listes de mots à orthographe difficile comme ornithorynque et amadriade. Une carte de la Palestine aux trois couleurs avec l'itinéraire de Saint-Joseph lors de la fuite en Égypte. Enfin, des rédactions d'instructions religieuses. J'ai eu la curiosité de lire l'une de ces rédactions, évidemment faites d'après les notes prises au catéchisme. Le prêtre devait avoir comparé ce jour-là les péchés à autant de Goliath qui nous assaillent et contre lesquels nous ne pouvons lutter avec succès sans le secours de David, c'est-à-dire la foi chrétienne. Au bas du résumé, j'ai vu mouler en ronde ce seul mot « résolution ». Et en dessous, d'une grosse écriture de bébé encore indécise, « À partir d'aujourd'hui, je prends la résolution de combattre énergiquement mes Goliaths. » Je me suis mis à rire. Je lui ai montré le passage et j'ai dit « Ma chère Claire, êtes-vous bien sûre d'avoir depuis ce temps-là suffisamment combattu vos Goliaths ?» 9 juillet. Bouquet des dames de la halle, bouquet des balayeurs du quartier, bouquet du commissionnaire, il pleut des bouquets chez Claire. Allez, braves gens, apportez vos fleurs, apportez-en plus encore, il n'y en aura jamais assez. Madame le couturier s'indigne de ces hommages roturiers et parle de vous faire mettre à la porte. Moi, je vous donne 20 francs en échange de vos roses blanches, et je voudrais être plus riche afin de vous donner davantage. Je vous remercie du cadeau que vous faites à ma bien-aimée, je serre vos mains, car je n'ai point de fierté mauvaise, car il n'y a place en moi pour rien qui ne soit bonté, charité et amour. »